Thank you. Et quand il marche mal à la fin, c'est comme ça. Eh ben oui. Eh ben oui. Et si on est à la fin, tant pis. Si tu peux faire mieux, si tu peux me réparer, vas-y. Thank you. Thank you. Thank you. encore. Don't ever stop. Your life is your life. Thank you. Thank you. Ah, moi j'aime beaucoup la manière dont tu l'as dite.